بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الأحباء. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et je m'excuse pour le retard qu'il y a eu par rapport aux problèmes techniques de la radio. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui, le samedi 12 Rabi' al-Awwal de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 8 octobre 2022, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'entamer ce nouveau cours dont le sujet est al-manhaj al-salafi. D'une manière claire, explicite, facile et accessible à toute personne, quel que soit son niveau, à travers les fatawa d'un des plus grands savants de notre époque, Cheikh Al-Allama Ahmad bin Yahya Al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui était nommé Al-Mufti du Sud de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est une compilation de fatawa de Cheikh Rahimahullah, Cheikh Najmi, qui est parmi les chouyours de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali et de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali et de beaucoup de grands savants. Et ce Cheikh était connu par ses positions fermes dans Al-Manhaj Al-Salafi. Et ça, vous allez le constater rapidement à travers ces fatawa. Chaque jour, nous allons choisir quelques fatawa que nous allons lire ensemble et essayer de les commenter brièvement, car d'une manière générale, les fatawas sont tellement clairs et explicites qu'il n'y a pas besoin de commentaires. Cheikh Rahimahullah, la première question qui a été mise dans cette compilation, c'est une question au sujet de la biographie de Cheikh Rahimahullah. Il a été interrogé au sujet de sa biographie et d'y parler brièvement. Il a dit, rahimahullah ta'ala, après les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et salat et salam sur son prophète alayhi salat wa salam, il a dit: je suis votre frère Ahmed ben Yahya ben Mohammed ben Shibir al-Najmi, né dans le village de Najamiya. Village de Najamiya, c'est parmi les villages dans la région de Jazan. Jazan, c'est dans le sud de l'Arabie Saoudite avec la frontière yéménite. Et Najamiya, c'est un village à une distance de 4 km à peu près d'un autre village où il y a une toute petite ville qui s'appelle Saameta. La ville de Cheikh Zayd Rahimahullah est la ville dans laquelle a été ouvert le premier institut salafi dans cette région. Donc, Cheikh est né dans ce village qui s'appelle Najamiya, d'où son nom Najmi, attribué à ce village. Il est né vers la fin de l'année 1346 de l'Hégire. Et il a étudié le Coran, il l'a mémorisé trois fois dans le Katiatib, comme c'était la coutume. Donc il a mémorisé le Coran, rahimahullah, avant l'arrivée de son grand cheikh, Cheikh Al-Allama Abdullah Al-Qaraoui, rahimahullah, qui est nommé le revivificateur de Tawhid dans le sud de l'Arabie Saoudite. Et ce cheikh Abdullah Al-Qaraoui, rahimahullah, à la base, il vient de la région de Najd. Et il a une longue histoire par rapport à comment il s'est installé dans le sud de l'Arabie Saoudite. Il a vu un rêve et il l'a raconté à son cheikh, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, Cheikh l'Allama Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, et il lui a dit d'aller vers le sud. Et c'était son voyage vers le sud était une ni'ma immense pour la région. Il était la cause d'énormément de biens. Il suffit de citer une de ses hasanat qui est Cheikh al-Allama Hafiz al-Hakami. C'est son élève. C'est lui qui l'a découvert, c'est lui qui l'a sorti de son village, c'est lui qui l'a orienté vers la science. Et il a été la cause de tout son bien pour lui. Donc, avec l'arrivée de Cheikh Abdullah Al-Qaraoui, rahimahullah, dans la région, il a fondé la première école salafi dans la région. Et cette école, elle a été ouverte dans la maison de un de ses élèves qui s'appelle Cheikh Nasser ibn Khaloufa. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça a été ouvert en l'an 1358, dans le mois de Sha'ban, dans la petite ville de Sameta, l'école Salafi. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et donc, Cheikh Ahmed, rahimallah, a commencé à fréquenter cette école, mais il n'a pas continué. Il s'est arrêté dans la première année et il a repris ses études dans cette école l'année suivante, c'est-à-dire 1360 de l'Hégire, dans le mois de Safar, très exactement. Il a rejoint à nouveau l'école salafi de Sameta, qui a été fondée par Cheikh Abdullah Al-Qaraoui dans la maison de un de ses élèves. Et il a continué ses études dans cette école. Il dit de son Cheikh Abdullah Al-Qaraoui qu'Allah a sauvé beaucoup de gens de cette région de Jazan par sa cause. Il les a sortis de l'associationnisme vers le tawhid, de l'ignorance vers la science, de la déviance et des innovations vers la piété et la foi et la sunna. Donc, Cheikh, il a poursuivi ses études dans cette école pendant 5 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'an 1365 de l'Hégire. Après 5 ans seulement d'études dans cette école, son Cheikh Abdullah Al-Qaraoui a constaté son niveau fort dans la science et ainsi il l'a désigné comme un enseignant dans une autre école qu'il a ouverte dans la région de Najamiya. Si on parle de Cheikh Abdullah Al-Qaraoui dans son parcours et de son parcours, on peut en parler pendant plusieurs cours. C'est un homme exemplaire. C'est un da'iya par excellence. Comment il a œuvré, comment il a travaillé jusqu'à ce que Tawhid a dominé cette région-là. Alors qu'il y avait beaucoup de mauvaises croyances D'ailleurs, cette région, elle s'appelle Jazan, c'est déduit de l'djinn. Et l'djinn, il dominait cette région. Il y avait beaucoup de mas, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de problèmes liés aux shayatin, jusqu'à l'arrivée de Cheikh Abdallah al-Qaraoui, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et parmi ses bonnes actions, ces deux hommes, Cheikh Ahmed ben Yahya al-Najmi et Cheikh Hafid al-Hakami, parmi bien d'autres grands savants qui sont peut-être méconnus pour ceux qui n'ont pas été et qui n'ont pas vécu dans cette région, mais qui sont très connus dans la région. Donc, quand Cheikh Abdallah al-Qaraoui a ouvert une école dans le village natal de Cheikh al-Najmi, il a envoyé dans cette école comme enseignant. Et il l'a désigné comme prêcheur dans la mosquée qui était à côté de sa maison, dans laquelle Cheikh, rahimallah, quand il a pris sa retraite de toutes ses fonctions, il a continué ses cours dans cette même mosquée à côté de sa maison. Donc il enseignait dans la mosquée et dans l'école. Et il venait enseigner également dans l'école salafie de Sa'meta. Et ça a duré 2 ans. Ensuite, il a été désigné comme enseignant d'une manière officielle dans cette école, l'école salafie de Sa'meta. Et 7 ans plus tard, il a été désigné comme imam et enseignant dans la mosquée de Abi Sabila, dans un endroit qui s'appelle Al-Arida. Al-Arida, c'est un petit village dans une région montagneuse. Cheikh Al-Qaraoui formait ses élèves et après il les envoyait dans les montagnes, dans les régions lointaines, afin de propager le tawhid, même parmi les gens des villages et des endroits éloignés. Il a envoyé énormément d'élèves de cette manière. Il les envoie, il leur fixe un salaire pour vivre et c'était très très modeste. Il y avait une grande collaboration entre le savant et ses élèves. Et leur but était de propager da'wah. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vu d'eux une grande sincérité. De cette manière, da'wah s'est propagée d'une manière forte dans le sud de l'Arabie Saoudite. Et tawhid s'est propagé. Donc, il a envoyé Cheikh dans un petit village, dans une région montagneuse, où il l'a désigné comme un imam et un prêcheur, et enseignant dans une mosquée. Il est resté dans ce village, il est resté pendant 2 ans. Et il faisait des allers-retours chez lui. Et ensuite, a été ouvert le premier institut scientifique dans la région de Sa'meta. Donc avant, c'était des écoles. Regardez comment il a commencé. Il a commencé avec des enfants. Ensuite, quand ces étudiants ont grandi dans la science et dans l'âge, ils ont eu besoin d'une structure plus développée. D'où il a eu l'idée d'ouvrir et de fonder le premier institut de la région de Sa'meta. Il l'a ouvert en début de l'année 1374. Ensuite, Cheikh, une fois que cet institut a été ouvert, il l'a rejoint automatiquement. Et il a été désigné comme un enseignant avec Cheikh Hafid al-Hakami dans l'institut salafi de la région de Sa'meta, avec Cheikh Hafid al-Hakami et avec Cheikh Nasser al-Khaloufa, comme on a vu, celui qui a donné sa maison pour la première école salafi. Regardez comment ils œuvraient. Ce pas des gens qui avaient les moyens. C'est des gens, personnellement, quand je les ai vus, ça se voyait. Ils ne sont pas comme les Saoudiens des autres régions. Il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de modestie, beaucoup d'accueil et de générosité. Et subhanallah, c'est des gens, quand ils voient un talib ilm qui vient de loin, comme s'ils ont vu un grand savant. Ils l'accueillent, ils sont heureux de l'accueillir chez eux. Ils lui ramènent le meilleur de ce qu'ils ont à manger. C'est vraiment des choses pour moi et pour tous ceux qui sont passés par cette région, c'est des choses inoubliables qu'on ne pourra jamais oublier, car j'ai jamais vu dans ma vie quelque chose, un phénomène comme ça. Une région où tout le monde aime la science. Même l'awam, quand il y a un cours de Cheikh Zayd rahimahullah, quand il y avait un cours, il venait, il s'asseyait et il prenait des notes. Maintenant, tu peux voir des tollab ilm dans des cours de savants, il prend pas de notes. Comme a dit l'imam Shafi'i, c'est quelqu'un qui va vers la guerre sans être armé, sans armes. Tu t'assois, tu écoutes un cours, même à distance, normalement, tu as un calepin, tu as un crayon et tu prends des notes. Ce n'est pas une condition que tu sois devant Cheikh Al-Fawzan pour prendre des notes. Ça, c'est des habitudes dans la science que tu dois avoir et acquérir. Et c'est ça un talib ilm. Un talib ilm, il s'assoit, il écoute, il y a une faïda, il ne la laisse pas passer comme ça. Peut-être dans un cours, il va noter une seule faïda, lakin, il va noter des fawaïd. Ensuite, Cheikh, après avoir enseigné pendant 10 ans dans cet institut, il a démissionné en l'an 1384 de l'Égypte. Et il avait une grande envie, comme il dit, de rejoindre l'université islamique comme enseignant. Il voulait enseigner dans l'université islamique de Médine. Surtout qu'il y avait dans cette université Cheikh Mohammed Nasser al-Din al-Albani, le muhaddith très connu, et il y avait également Cheikh Abdelaziz Ben Baz, qui était le directeur par délégation de son Cheikh Mohammed Ben Ibrahim al-Sheikh, qui était le directeur. Mais celui qui faisait la direction, c'était Cheikh Ben Baz. Après la mort de son Cheikh, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est devenu le directeur Cheikh ibn Baz, rahimahullah. Et après Cheikh ibn Baz, celui qui est venu, c'est Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Et après cette époque d'or dans l'université islamique, Cheikh ibn Baz, Cheikh Al-Abbad, les choses ont commencé à changer. Et c'était plus pareil. Lakin, alhamdoulilah, il y a toujours beaucoup de bien, il y a toujours des hommes de science parmi Al-Sunnah wal-Jama'a, il y a toujours un grand bien pour celui qui souhaite rejoindre l'université islamique. Lakin, ce que je veux dire, c'est plus comme à l'époque de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Abbad. Et Cheikh, il voulait rejoindre l'université islamique comme enseignant, car il n'avait plus l'âge d'être un étudiant dans cette jami'a, le seul moyen c'était d'être enseignant, mais en réalité, comme il l'a dit, pour prendre la science de ces deux savants, Cheikh Al-Albani, qu'il aimait énormément. Personnellement, j'ai vu des livres dans la bibliothèque de Cheikh Najmi, rahimahullah, dans lesquels il y a des écritures de Cheikh Al-Albani, qui a écrit des choses sur ces livres. Mais Allah n'a pas voulu cela. Allah n'a pas prédestiné cela pour lui, comme il dit. Et il a réessayé une deuxième fois de rejoindre l'université islamique. Et ça n'a pas été prédestiné non plus. Ensuite, il a rejoint le centre de prédication et de da'wah, de la da'wah dans le sud de l'Arabie Saoudite. Et il a été désigné comme un prêcheur dans la région de Samita. Et dans le Mawsim ou le Masariha ou Abi Arish, il a cité plusieurs régions dans lesquelles il faisait ce travail de prêche et d'exhortation. Pendant 3 ans, il faisait le tour, il balayait la région pour donner des cours et faire des rappels et appeler au Tawhid. Ses voyages, comme il dit, l'ont épuisé. Car il était souvent en voyage, souvent loin de sa famille, il a demandé à revenir comme enseignant dans les instituts de la région. Et effectivement, il a été désigné comme enseignant. Et au début, il n'a pas pu revenir à Samita directement. Il était dans l'institut de Jazan. Il est resté dans cet institut une année scolaire. Par la suite, ils lui ont accepté d'aller enseigner dans l'institut de Saameta. Et il est resté dans cet institut comme enseignant pendant 22 ans. Continue, sans interruption, pendant 22 ans. Ensuite, il a eu sa retraite. Il a eu sa retraite et depuis qu'il a eu sa retraite, il n'a jamais arrêté d'enseigner dans la mosquée qui est à côté de sa maison. Et Cheikh, il fait partie des savants qui enseignaient toute la journée. Il avait un programme, comme nous ont raconté certains de ses élèves. Il avait un programme. Il se levait avant le Fajr, chaque jour, comme ça. Avant le Fajr, il se lève 2 heures avant le Fajr. Et il allait dans la mosquée qui était à côté, juste à côté de sa, dans la mosquée qui était juste à côté de sa maison, à quelques pas, 4 ou 5 pas de sa maison. Et il faisait Qiyam al-Layl dans cette mosquée. Il priait pendant 2 heures jusqu'à l'approche de l'Fajr. Il s'assoit, il fait du'a, et ensuite il prie Salat al-Fajr. Il reste à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à Shuruq. Il prie les 2 rak'at, il retourne chez lui et il se repose jusqu'à 8 heures. C'est-à-dire il va dormir 1 heure et quelques. Ensuite, il se réveille, il prend son petit-déj et les étudiants commencent à affluer. Ils viennent de partout et il enseigne depuis ce moment-là jusqu'à Dhuhr. Après Dhuhr également, il donne des cours et ensuite, il retourne chez lui. Il se repose un peu, il mange, il se repose un peu et il revient pour l'Asr. Et là, ça va continuer jusqu'à 2 heures après l'Isha. Chaque jour, c'était le même programme. Cheikh, il n'avait pas des cours yani, fixes. Chaque groupe d'élèves, ils vont venir avec un livre, ils vont lire et il va leur expliquer. Et il avait un de ses étudiants qui était un étudiant éthiopien, aveugle, qui était non-voyant, et il a une longue histoire avec cet étudiant. Lakin, ce qui m'intéresse ici, c'est que Cheikh Rahimallah, il lui prenait son petit-déj le matin, et il l'emmenait jusqu'à l'endroit qu'il lui avait réservé pour dormir et pour habiter. Il lui avait donné une chambre, il lui emmenait son petit-déj, et c'était à une distance à peu près de 1 km ou quelque chose comme ça. Chaque matin, Cheikh, il prend le petit-déj de cet étudiant éthiopien et il lui emmène. Et après, ils reviennent ensemble. Rahimahullah. Donc ça, c'est par rapport à la biographie de Cheikh. La deuxième question, si vous avez une interrogation quelconque par rapport à ce qu'on est en train de voir et non pas par rapport à d'autres choses, il y en a, comme vous allez le constater, les questions vont répondre, bi'idnillah, les réponses de Cheikh vont répondre, bi'idnillah, à toutes vos interrogations au sujet de l'manhaj, ou au moins à la plupart des interrogations. Là, s'il y a quelque chose que j'ai lu et que je n'ai pas bien expliqué, ou là que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à m'écrire dans cette application. ماذا يقصد بكلمة المنهج ماذا يقصد بكلمة المنهج شيخ interrogé qu'est-ce que ça veut dire المنهج qu'est-ce que ça veut dire المنهج qu'est-ce que ça veut dire المنهج la réponse aux questions ça se fera à la fin de notre lecture بإذن الله. La réponse de Cheikh al-Manhaj هو الطريقة التي يسير عليها طالب العلم في الدعوة إلى الله هكذا هو هذا هو المقصود. Donc il dit que le manhaj c'est la méthode qui est suivie par l'étudiant en science dans l'appel à Allah. C'est ça qui est voulu par Al-Manhaj. Al-Manhaj, la méthodologie qui est suivie par l'étudiant en science quand il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa da'wa, dans son prêche. La question suivante, la troisième, ma hiya salafiyya wa man za'imuhum? C'est quoi la salafiyya? Et c'est qui le leader, c'est qui le chef des salafis? C'est qui leur chef? C'est qui leur leader? Il dit dans la réponse, as-salafiyyatu hiya nisbatun ila as-salaf. As-salafiyya, c'est une attribution au salaf. On dit as-salaf. Et as-salafi, c'est celui qui suit as-salaf. C'est une nisba. Et c'est qui as-salaf? As-salaf, ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et tous ceux qui les ont suivis avec bienfaisance à la perfection parmi les gens des trois siècles préférés, les trois siècles méritoires et ceux qui sont venus après eux. C'est ça la salafia. La salafia ou les salafs, ce sont les compagnons radiallahu anhum, tout d'abord. C'est eux qui rentrent dans cette appellation en premier lieu. As-salaf, ce sont les compagnons. Et également les trois générations. Les trois générations qui ont été citées dans le hadith. La génération de tabi'in, la génération de tabi'i tabi'in, et la génération de tabi'i at-tabi'in. Donc ça fait trois générations avec les compagnons. Également, tous ceux qui sont venus après ces trois générations et qui les ont suivis rentrent également dans salaf. Et c'est ça la salafia. C'est le suivi de salaf. Et le fait de s'apparenter à la salafia, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit هو الانتماء الى ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والى طريقه اهل الحديث. C'est l'affiliation à sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah عليه الصلاه والسلام et à la méthode des gens du hadith. Et les gens du hadith, ce sont eux les gens de l'manhaj al-salafi qui suivent la voie salafi. Donc ceux qui suivent la voie salafi, tout d'abord ce sont les gens du hadith et ceux qui les suivent. Donc salafiyya, c'est une croyance. Fas-salafiyyatu aqidatun fi asma'illahi wa sifatih. As-salafiyya, c'est tout d'abord une croyance au sujet des noms d'Allah et de ses attributs. As-salafiyya, c'est une croyance également au sujet du décret d'Allah. As-salafiyya, c'est une croyance au sujet des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ainsi, les salafs, ils croient en Allah, subhanahu wa ta'ala, et en ses beaux noms, et en ses attributs sublimes avec lesquels il s'est décrit lui-même ou avec lesquels l'a décrit son messager alayhi salatu wassalam. Il croit en ses noms et ses attributs comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala sans falsifier le sens. Min ghayri tahrifin ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. Donc il croit en ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans falsifier le sens, c'est-à-dire sans interpréter ces noms et ses attributs une mauvaise interprétation qui est une falsification. qui est une falsification, et sans tamthil non plus, sans donner à Allah subhanahu wa ta'ala un égal ou un semblable parmi ses créatures dans une de ses caractéristiques qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. At-tamthil, il est de deux catégories. Comme on a vu dans l'Wasitiyya, at-tamthil, il est de deux catégories. Tamthil, c'est comparer et donner un semblable à Allah. Ou bien tu décris la créature avec ce qui est propre au créateur, ou l'inverse. Tu décris le créateur avec ce qui est pour la créature. Donc tamthil, il est de deux catégories. Mais sinon, tamthil, c'est donner à Allah un égal. Yani dire que quelqu'un est comme Allah dans une de ses caractéristiques, subhanahu wa ta'ala. Et sans tashbih. Tashbih, yani une comparaison. Mais il y a des savants qui préfèrent dire tamthil et ne pas dire tashbih. Car tashbih n'est pas rejeté d'une manière absolue. Et ça, on l'a détaillé quand on a parlé de l'wasitiyya, quand on a étudié l'wasitiyya. Donc, tamthil, car il y a des savants qui préfèrent tamthil parce que c'est ce qui a été cité dans les textes. Laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wala ta'til. Sans reniement des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les affirme, il ne les renie pas. Et sans interprétation, l'interprétation blâmable, sur laquelle il n'y a pas de preuve. Allah, il dit, qui s'est établi au-dessus du trône, quelqu'un y vient, il dit, ça veut dire, Allah a dominé le trône. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Car les Arabes, il n'y a pas un arabe qui comprend de l'istiwa à l'istila. Il n'y a pas un arabe qui comprend de l'établissement la domination. Ça n'existe pas en arabe, premièrement. Deuxièmement, pourquoi on va dire qu'Allah a dominé le trône? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dominait avant lui? Même de ce point de vue, c'est faux. Et quelle est la preuve sur cette interprétation? Est-ce que le prophète sallam a dit c'est établi, ça veut dire ça? Est-ce que les compagnons ont compris ça? Est-ce que Tabi'in ont compris ça? Tu ne trouveras pas un seul compagnon qui a falsifié comme ils le font. Également au niveau du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, les salafis, ils croient au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala bon et mauvais. Ou tu peux dire, il croit au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala convenable et celui qui ne convient pas à la créature. Car tous les décrets d'Allah sont bons. Mais le mal, il se trouve dans les créatures. Et pas dans l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-khayru bayna yadayk wa sharru laysa ilayk » « Le bien est entre tes mains et on n'attribue pas le mal à Allah. » Comme bien même Allah a tout décrété. Lakin, il n'y a pas de mal dans l'acte d'Allah. Allah a décrété l'existence de la maladie. Du point de vue du décret d'Allah, c'est un bien, car la maladie, c'est une cause de purification du croyant, d'élévation des degrés, d'expiation des péchés. Et pour l'ennemi d'Allah, c'est une forme de châtiment dans dunya avant l'akhirah. Donc c'est un bien. Mais du point de vue de la créature, la maladie, il l'aime pas. Donc c'est un mal de ce point de vue. Lakin, du point de vue de l'acte d'Allah, tout ce que Allah décrète, c'est un bien. Ou bien c'est un bien absolu, comme la foi, la guidée, l'islam, l'existence du croyant. Ça, c'est un bien absolu. Ou un bien pour autrui, l'existence du mécréant. C'est pas un bien pour soi-même. Lakin, c'est à cause de son existence qu'il va y avoir énormément d'adoration qu'Allah aime énormément. Comme le combat dans le sentier d'Allah, comme ad-da'wa, comme ordonner le convenable et interdire le blâmable, amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, comme aimer en Allah et détester en Allah, et ainsi de suite. وأنه لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر الذي قدره الله سبحانه على عباده والله جل وعلا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. Donc le serviteur ne peut avoir la foi valide, la foi authentique, jusqu'à croire au décret d'Allah et qu'il a tout décrété sur ses serviteurs. Il a décrété le bien que tu vois et le mal que tu vois. Il a décrété l'obéissance et la désobéissance. Chaque chose pour des sagesses. Comme Allah dit, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Dans le sens approximatif, nous avons tout créé selon un décret. Toute chose a été créée selon un décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au sujet des compagnons radiyallahu anhum, amma fi as-sahaba, fa ma'na dhalika huwa al-iman bi anna ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yajib at-taraddi anhum wa i'tiqad 'adalatihim wa annahum khayru al-umam wa khayru al-qurun wa i'tiqad annahum 'udulun kulluhum bi khilaf ma ta'taqiduhu ash-shi'ah wal-khawarij alladhina yukaffiruna ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Au sujet des compagnons, la croyance à leur sujet, c'est de croire que les compagnons du prophète, il est de notre devoir de demander à Allah de les agréer. On dit, radiyallahu anhum, on fait dua et on demande à Allah de les agréer. Et de croire qu'ils sont tous intègres, dignes de confiance, et qu'ils sont les meilleurs de cette communauté, et que leur génération est la meilleure des générations. Et que les compagnons de notre prophète sont les meilleurs compagnons comparé à tous les autres compagnons de tous les autres prophètes, sans exception. Les meilleurs hommes qu'Allah a créés après les prophètes sont les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et croire également qu'ils sont intègres, tous, sans exception, contrairement à ce que croient les Rafida, les Shia et les Khawarij, qui les rendent mécréants et qui ne reconnaissent pas leurs droits. Maintenant, venons à la question qui est le chef, qui est le leader de Salafia. Il dit, Cheikh, « وَلَيْسَ لِلسَّلَفِيَّةِ زَعِيمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُوَ إِمَامُ السَّلَفِيَّةِ وَقُدْوَتُهُمْ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُدْوَتُهُمْ. Donc, Salafia n'a pas un chef, n'a pas un leader, à l'exception du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est leur seul chef, leur unique leader, leur seul imam et guide, et leur seul modèle, il est leur modèle. Également, ses compagnons sont des exemples et des modèles pour nous. Car les compagnons, ils suivent le prophète alayhi salatu wassalam. Ils suivent le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça les savants, quand ils ont parlé du hadith l'Irbad ibn Sariya, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di, cramponnez-vous à ma sunna et la sunna des califs bien guidés après moi. Ils ont dit, est-ce que c'est une autre sunna? Non, c'est la même sunna. Alors pourquoi elle est mentionnée? Malgré que c'est un hadith dans lequel le prophète alayhi salam n'a cité que les choses extrêmement importantes. Il a cité la sunna, la tradition des califs bien guidés, pour montrer l'importance de la compréhension des compagnons. Et que leur compréhension n'est pas comme la compréhension de ceux qui viennent après eux. C'est eux qui ont le mieux compris la religion, les textes. Coran et Sunna. Il n'y a personne qui a compris l'islam comme l'ont compris les sahaba radiallahu anhum. Et c'est la compréhension qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la base, la preuve, si tu veux, la preuve en cela, la preuve par rapport à cela, c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. Inna bani Israël tafarraqat ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fi an-nar illa millatan wahida illa millatan wahida. Le Nabi عليه الصلاة والسلام nous a informé que ça, que les fils d'Israël se sont divisés en 72 sectes. Dans une autre version, les juifs en 71, les chrétiens en 72, et que sa communauté se divisera en 73 sectes, tout en enfer à l'exception d'une seule. Ils ont dit laquelle au messager d'Allah? Il a dit ceux qui seront comme je suis aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Et également hadith l'Irbad ibn Sariya, Nabi alayhi sallam a dit Oseikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'a wa in 'abdun habashi. Il a dit je vous recommande la crainte d'Allah, la piété, l'écoute et l'obéissance au gouverneur, comme bien même c'est un esclave éthiopien ou un esclave de l'Abyssinie. Peut-être c'est l'Éthiopie aujourd'hui, wallah. Naam, c'est l'Éthiopie. Donc, comme bien même c'est un esclave éthiopien. Et ensuite, le prophète a ordonné de suivre sa sunna et la sunna des califs bien guidés après lui. Il a dit « Mordez-y avec les incisives et soyez en garde contre les innovations, les hérésies, car toute innovation, c'est-à-dire dans la religion, toute innovation dans la religion est une hérésie et toute hérésie est un égarement. » Donc ça, c'est une mise en garde explicite du prophète alayhi salatu wassalam contre les innovations dans la religion. Et on y est aujourd'hui, une journée dans laquelle beaucoup de musulmans, malheureusement, beaucoup de muslimines, malheureusement, fêtent l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam, soi-disant pour exprimer leur amour. Aimer le prophète alayhi salatu wassalam fait partie des plus grandes obligations de la foi. Et il ne peut y avoir de foi qu'avec l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il n'est pas question d'exprimer cet amour comme bon te semble. Cet amour, tu dois l'exprimer avec, selon, conformément à ce que la religion a rapporté, à ce qui a été rapporté dans la religion. Et tu ne peux pas l'exprimer comme tu veux. Allah doit être adoré seul et adoré avec ce qu'il a légiféré, avec ce qu'il aime. Allah n'aime pas les innovations et les hérésies dans la religion. C'est pour ça, c'est pas une bonne manière d'exprimer ton amour pour le prophète alayhi salatu wassalam, d'inventer une fête ou une occasion dans laquelle tu te rappelles le prophète alayhi salatu wassalam et sa biographie. Ça, c'est vraiment parmi les pires choses que tu puisses entendre. Tu ne te rappelles ton prophète, alayhi salatu wassalam, que dans une journée dans l'année. C'est ce qu'il mérite de toi. Celui qui suit vraiment la sunna, il se rappelle son messager et son exemple et son modèle à chaque instant, chaque jour, chaque heure. qui passe, il a une sunna qu'il suit, ou une sunna de délaissement. Car tout ce que le Nabi a fait comme adoration est une sunna. Et tout ce que le Nabi a délaissé, c'est une sunna de le délaisser également. La sunna, ce n'est pas seulement dans ce que le Nabi a fait, c'est également dans le délaissement des choses qu'il a délaissées. S'il n'a pas fêté l'anniversaire, c'est que ce n'est pas une sunna de le fêter. Quelqu'un peut dire, oui, c'est pas une sunna, il ne l'a pas fait, c'est vrai. Mais il ne l'a pas fait et il l'a laissé à sa communauté. Taïb, pourquoi les Abou Bakr, celui qui aime le plus le prophète A.S. et celui qui comprend le plus le prophète A.S. parmi tous les compagnons, comme eux, ils l'ont dit. Pourquoi il ne l'a pas fêté après lui? Pourquoi ne l'a pas fêté Omar? Pourquoi ne l'a pas fêté Uthman, ni Ali, ni aucun parmi les compagnons, radiallahu anhum tous, ni aucun parmi les trois générations, les trois premières générations? Aucun tabi'i, aucun tabi'i, tabi'i. Faut attendre la venue de Dawl al-Ubaidiyya, les Rafida, les grands ennemis du prophète alayhi salatu wassalam et de sa sunna et de sa religion qui tuaient les hommes de science parmi al-sunna wal-jama'a. Ils les massacraient dans les places publiques. Faut attendre que eux ils arrivent pour nous montrer comment exprimer notre amour. Celui dont l'exemple sont ces gens-là, malheureusement, il n'a pas compris sa religion. Il n'a pas compris sa religion. Tu veux exprimer ton amour pour le prophète, apprends sa sunna. Pratique-la toi-même, en premier. Propage-la autour de toi. C'est comme ça qu'on montre notre amour, si on est vraiment sincère, si on est véridique. Voilà, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ces trois premières questions. Et à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, j'espère que le problème sera résolu et qu'on pourra commencer dans le temps et peut-être faire plus de questions. Inch'Allah ta'ala. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته